Souvenir d'un marchand de tableaux, chapitre 12. Ambroise Vollard, éditeur et auteur. Première partie, mes éditions. Estampes, faïences, bronze, livres. De tout temps, j'ai aimé les estampes. À peine installée rue Lafitte, vers 1895, mon plus grand désir fut d'en éditer, mais en les demandant à des peintres. Peintre-graveur est un terme dont on a abusé en l'appliquant à des professionnels de la gravure qui n'étaient rien moins que peintres. Mon idée, à moi, était de demander des gravures à des artistes qui n'étaient pas graveurs de profession. Ce qui pouvait être pris pour une gageure fut une grande réussite d'art. C'est ainsi, notamment, que Bonnard, Cézanne, Maurice Denis, Redon, Renoir, Sisley, Toulouse-Lautrec, Vuillard produisirent pour leur coup d'essai ces belles gravures qui sont aujourd'hui si recherchées. Cézanne fit deux planches de baigneurs, Redon une béatrice, Bonnard la petite blanchisseuse et le canotage, Vuillard le jardin des Tuileries et jeux d'enfants, Maurice Denis l'apparition et jeune fille à la fontaine, Sisley les oies, Toulouse-Lautrec la charrette anglaise. Je vois encore Lautrec, petit homme boiteux, me disant, avec son étonnant regard ingénu, « Je vous ferai une femme de maison. » Et finalement, il fit cette charrette anglaise que l'on tient aujourd'hui pour un de ses chefs-d'œuvre. Les planches que je viens de citer étaient en couleur, mais en noir, la réussite devait être égale. Whistler me donna la tasse de thé, Albert Bénard la robe de soie. Carrière, l'enfant endormi, Redon, le vieux chevalier, Renoir, mère et enfant, Édouard Munch, un intérieur, Puvy de Chavannes, une réplique du pauvre pêcheur. Toutes ces estampes, celles en couleur et celles en noir, formèrent, avec plusieurs autres non énumérés ici, les peintres-graveurs, dont il fut fait deux albums, tirait chacun à 100 exemplaires. J'avais fixé à 100 francs le prix du premier album et à 150 francs celui du second, qui contenait un plus grand nombre de pièces. L'un et l'autre album se vendirent assez mal. J'avais entrepris une troisième série qui resta inachevée. Cependant, si les amateurs demeuraient indifférents, les peintres, eux, s'intéressaient de plus en plus à cette autre façon de s'exprimer. Quelques-uns même d'entre eux me firent un album entier. C'est ainsi que j'eus de Bonnard une série de lithographies en couleur de vues de Paris. Un jour, Helle s'amusait à les regarder. « Mais, s'écria-t-il tout à coup, c'est ma femme et ma fille dans ce retour du bois !» Bonnard, dans un grouillement de foule, n'avait pas négligé la ressemblance de ses personnages. Vuillard me fit une série de lithographies représentant des intérieurs. Caïx Roussel, des paysages. Maurice Denis, une série intitulée « Amour ». Redon, sous le titre « L'Apocalypse », un album de lithographies en noir. Malgré la modicité des prix, les amateurs continuèrent à bouder, et 20 ans plus tard, ces albums n'étaient pas épuisés. Mais par la suite, on devait voir la charrette anglaise de Lautrec atteindre 15 000 francs à l'hôtel Drouot. Outre ses baigneurs, Cézanne devait faire aussi pour moi son portrait, une litho en noir. Avec la si grande bienveillance qu'il m'a toujours montrée, Renoir composa également un certain nombre de lithographies, notamment son chapeau épinglé, qu'il grava en noir et en couleur, en employant pour l'une des planches le lavis et pour l'autre le crayon. Au cours du travail, il se démit le bras droit. « Si j'essayais de mon autre bras, » me dit-il, et il continua sa planche comme si de rien n'était. Peu après, il entreprit d'autres lithos, tant en noir qu'en couleur. Les petites filles jouant à la balle, l'enfant au biscuit, mère et enfant. J'oubliais ces admirables portraits de Rodin, de Cézanne, de Wagner. Cette dernière planche, voici comment je parvins à l'obtenir. Accompagné d'un commissionnaire qui portait une pierre lithographique, j'arrivai chez Renoir au moment où il sortait de chez lui pour aller à l'atelier. Quand il aperçut la pierre, il leva les bras. « Mais mon pauvre Volard, j'ai un travail fou en ce moment !» Nous descendîmes ensemble, mais ne pûmes aller bien loin. Un cordon d'agent barrait la rue qui conduisait à l'atelier. Ni Renoir ni moi ne nous étions rappelés que c'était le 1er mai et que les ouvriers célébraient, par l'agitation dans la rue, la fête du travail. Les agents nous avertirent que la circulation ne serait pas rétablie avant au moins 2 heures. « Rentrons chez moi, » dit Renoir, « comme ça je ferai votre litho. » Il exécuta plus tard un album de 12 petites lithographies en noir. On y trouve mon portrait, celui du peintre Valta. L'album contient surtout des nus de femmes. Un jour qu'on lui demandait quelle mode féminine il aimait le mieux peindre, « La femme nue », répondit-il sans hésitation. Fantin Latour, pour sa part, devait me faire quelques-unes de ses plus belles planches. Le peintre des filles du Rhin avait bien voulu s'intéresser à mes efforts pour éveiller dans le public le goût de l'estampe, encore que mes tendances hardies lui fissent peur. Il me souvient qu'un jour, dans son atelier, comme je lui faisais part de mon intention d'aller au Louvre pour confronter une nature morte de Cézanne avec un chardin, le peintre, brusquement, se dressa. « Ne jouez pas avec le Louvre, Volard !» Une visite que j'avais faite à une exposition d'art décoratif avait été pour moi une révélation. Je n'avais jamais aussi bien vu combien ça peut être beau, une faïence. J'ai eu, dès lors, le plus grand désir d'éditer des vases, des assiettes, des plats. On m'avait indiqué un maître céramiste, André Mété. Je lui demandais de mettre ses fours à la disposition de ces jeunes artistes qui s'appelaient Bonnard, Maurice Denis, Derain, Puy, Matisse, Laprade, Mayol, K.X. Roussel, Rouault, Valta, Vlaminck. Ceux-ci me décorèrent, sur les formes que tourna Mété, maintes belles pièces que je ne parvins guère à faire apprécier du public, mais qui devaient avoir une si grande influence sur l'art décoratif contemporain. Les faïences n'en furent pas seules à me tenter. J'avais dit à Mayol, qui venait de donner le dernier coup de ciseau à une statuette en bois, « Si l'on en faisait un bronze ?»« Un bronze ? » ?»« Confiez-moi la statuette, je m'en charge. » Ainsi j'éditai le premier bronze de Mayol. Je devais par la suite avoir de lui quelques autres modèles de la plus heureuse venue. Un jour, j'avais vu Bonnard pétrir de la mie de pain. Entre ses doigts, elle prenait, peu à peu, la forme d'un petit chien. « Mais dites-moi, Bonnard, il me semble que c'est de la sculpture, cela. »« Si vous me faisiez des statuettes ?» Bonnard ne dit pas non, et, après quelques essais, il entreprit un important surtout de table. Un après-midi, un bruit de chaudronnerie montait du sous-sol de mon magasin. « Vous avez des ouvriers en bas ?» me demanda-t-on. C'était Bonnard qui martelait son bronze. Je ne pensais pas, tout d'abord, avoir la même chance avec Renoir. Dès que je lui parlais de faire une statue, « Voyons, Volard, vous savez bien que je n'ai plus de main. J'arriverai peut-être à faire une petite tête. Pourtant, ça m'aurait plu de modeler une grande figure. » « La main, me disais-je, est-elle, après tout, tellement indispensable ? N'avais-je pas vu Rodin au milieu de ses élèves qui agrandissait des figurines du maître pendant que celui-ci caressait sa barbe ? Je racontais la chose à Renoir. « Vous me rappelez, repartit-il, une gravure d'une vie des artistes de l'Antiquité. Cela représentait un atelier où le praticien, le marteau et le ciseau à la main attaquaient la pierre. Un personnage était à demi couché sur un lit, la tête couronnée de roses. C'était le sculpteur. Quelque temps après, revoyant Renoir, « Votre proposition de l'autre jour, me dit-il, est tout de même bien tentante. » Il se mit à l'ouvrage et il mena à bien sa petite Vénus à la pomme. « Voyez, me dit-il pendant qu'il y travaillait, je devrais avoir une sacrée expérience depuis plus de 50 ans que je trime. Eh bien, je cherchais à donner plus d'élancement à ma statuette. J'avais beau l'amincir, ce n'était pas ça. Il a fallu que j'élargisse le bassin. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire l'agrandissement. » Mais comme, dans le travail de l'agrandissement, il arrive que certaines parties de l'œuvre ne se trouvent plus à l'échelle, Renoir, scrupuleux comme il était, aima mieux refaire des dessins en vue de l'exécution en grand de sa Vénus. Je vois encore le peintre, sous les oliviers de son jardin, devant sa statue qui prenait corps. L'artiste, une longue baguette à la main, tapotait la glaise, indiquant les volumes au praticien. « Voyez-vous, Volard, c'est comme si j'avais une main au bout de cette canne. Pour faire de la bonne besogne, il ne faut pas être trop près. Quand on a le nez sur la glaise, comment pouvoir se rendre compte de ce qu'on fait ?» La statue terminée. « Ce n'est pas mal, fit Renoir. C'est égal, il y manque un je ne sais quoi. » Comme un jour j'arrivais chez Renoir, il me dit d'un petit air malin, « Je crois que j'ai trouvé ce qui manquait à ma Vénus. Il faut que je lui remonte les seins. » Ceci fait, « Cette fois, ça y est !» s'écria Renoir. Je me hasardai à faire une tentative analogue auprès de Degas. Il avait dans son atelier de nombreuses cires qui témoignaient son activité de sculpteur. Je lui demandai s'il ne songeait pas à faire fondre l'une d'elles. « Que je fasse fondre ? » s'écria-t-il. « Le bronze, c'est pour l'éternité. Mon plaisir à moi, c'est d'avoir toujours à recommencer. Comme ça, tenez !» Il prit sur une sellette une danseuse presque achevée et en fit une boule de cire. Au cours de mes promenades sur les quais, je m'étais mise à feuilleter quelques volumes dans la boîte d'un bouquiniste. Sur la page de titre d'un grand in octavo, je lus Ambroise Firmin Didot, éditeur. Ambroise Volard, éditeur, ça ne ferait pas mal non plus, pensais-je. Peu à peu, cette idée s'ancra dans mon esprit. Je ne pouvais pas voir un beau papier sans me dire oh, « Comme des caractères typographiques feraient bien là-dessus !» Et si j'avais encore quelques hésitations, c'était seulement sur le choix à faire entre un prosateur et un poète. Je me déterminai pour un poète à la suite d'une visite à l'Imprimerie nationale alors qu'elle n'avait pas encore quitté le magnifique hôtel de la rue Vieille du Temple. J'accompagnais un ami qui voulait voir le fameux Salon des singes. Pendant que celui-ci étudiait chaque détail de cette célèbre décoration, j'avais ouvert un livre édité par la maison et j'admirais une page imprimée en garamond ce splendide caractère que l'on dit gravé par ordre de François Ier et dont l'italique semble avoir été dessiné pour imprimer l'œuvre d'un poète. Mais quel poète choisir? Ce fut le hasard qui en décida. Quelques jours plus tard, sur l'impérial d'un omnibus, je me trouvai assis non loin d'un homme mal vêtu. Un foulard dissimulait l'absence de Focolle. Il tenait à deux mains un tableau. C'était, autant que j'en pus juger, un Carrière, et, me sembla-t-il, le propre portrait de l'homme au foulard. Cette toile gênait le receveur dans ses allées et venues pour effectuer sa recette. « Non, mais des fois, finit-il par s'écrier, vous auriez pu amener aussi votre armoire à glace. »« Je n'en ai pas, repartit l'autre simplement. « C'est Verlaine, chuchota quelqu'un à côté de moi. » C'était bien Verlaine, en effet. Il descendit à un arrêt de l'omnibus et je le vis se diriger vers la boutique d'un marchand de tableaux. En entendant le nom de Verlaine, un voyageur s'était retourné. « Qui est-ce ça, Verlaine ?»« Un poète, et le plus grand, avec Stéphane Mallarmé. » Cette réponse avait été faite par quelqu'un qui portait sous le bras une grosse serviette. Il avait auprès de lui un jeune homme qui l'appelait « mon cher maître ». Tout cela m'en imposa. J'eus ainsi l'assurance que Mallarmé et Verlaine étaient les deux plus grands poètes contemporains. Le lendemain, à l'étalage de Flammarion, j'ouvris un livre de Mallarmé et je lus son « Don du poème ». J'avoue que je restais sur le moment insensible au charme de cette subtile musique. Je me mis ensuite à feuilleter une plaquette de Verlaine, parallèlement, et ces vers me parurent correspondre davantage à l'idée que je me faisais alors d'une œuvre poétique. C'était, me sembla-t-il, tout à fait mon affaire. Mais par qui faire illustrer un livre à la fois si tendre et si voluptueux? Après réflexion, je demandai à Bonnard de me faire des lithographies. Pour l'imprimeur, je songeai tout de suite à l'Imprimerie nationale. On me dit là-bas qu'il fallait, d'abord, obtenir l'autorisation du ministre de la Justice. J'ignorais, bien entendu, que certaines parties de parallèlement avaient encouru les foudres des tribunaux. Ce fut donc sans aucune surprise que je reçus l'autorisation demandée. Ce qui, par contre, m'étonna fort, ce fut la remarque du chef d'exploitation de l'imprimerie. « Quelle drôle d'idée de mettre en vers un livre de géométrie !» Je dois dire que telle ne devait pas être l'opinion d'un vieil ouvrier. Une de ces têtes de vieux faune avec laquelle Verlaine eut sûrement sympathisé, qui, près de sa machine, lisait à voix basse, tendre, la jeune femme rousse que tant d'innocence émoustille. Quand l'impression de parallèlement fut achevée, en même temps que les volumes me furent livrés, un exemplaire, suivant l'usage de ce temps, fut envoyé au garde des Sceaux. Mais voilà que, le surlendemain, arriva chez moi, tout affairé, un attaché du ministère de la Justice. « Le ministre vous fait prévenir, me dit-il, d'avoir à renvoyer à l'Imprimerie nationale tous les exemplaires de parallèlement. Il est inconvenant qu'un livre condamné pour outrage aux bonnes mœurs soit réédité sous une couverture ornée de l'effigie de la République et que la feuille de titre porte la mention « Par décision spéciale du garde des Sceaux ». J'avais déjà distribué un certain nombre d'exemplaires du livre. Pour ceux qui me restaient, Bonnard composa une couverture plus en rapport avec l'esprit de l'ouvrage. L'incident, relaté par la presse, eut son écho à la Chambre. Mais cette controverse parlementaire ne me fit pas vendre un exemplaire de plus de ce livre, qui devait devenir plus tard si célèbre. Depuis, J'ai appris que le garde des Sceaux d'alors, M. Mauny, avait porté son exemplaire à un libraire, M. Blaiseau, je crois, non sans lui faire remarquer, je pense, que le volume avait la bonne couverture. 2 ans après la publication de Parallèlement, j'éditais Daphnis et Chloé, et j'eus encore la chance d'obtenir de Bonnard qu'il en fît l'illustration. De même que Parallèlement, Daphnis n'eut à l'époque qu'un médiocre succès. On reprochait à ces deux ouvrages, notamment, d'être illustrés par la lithographie. Le seul mode d'illustration apprécié par les bibliophiles d'alors était la gravure sur bois. « Puisque les bibliophiles n'admettent que les bois, me dis-je, pourquoi ne leur donnerais-je pas des bois ?» Ce que je fis, en éditant une imitation de Jésus-Christ, pour laquelle Maurice Denis fit la belle série de compositions que l'on connaît. Il illustra ensuite, sur ma demande, « Sagesse », où, cette fois, les gravures sur bois ne furent plus en noir, comme dans l'imitation, mais en couleur. Malgré la concession que j'avais faite aux bibliophiles, en abandonnant la lithographie pour le bois, aucun de ces deux livres ne trouva grâce devant eux. Comme je disais à un admirateur de Maurice Denis, « Avez-vous dans votre bibliothèque l'imitation de Jésus-Christ et Sagesse ?» Celui-ci, vivement, « Je suis des 100 bibliophiles, et là, nous respectons encore les règles. Les peintres ne sont pas des illustrateurs. Les libertés qu'ils se permettent sont incompatibles avec ce fini qui fait le mérite d'un livre illustré. » J'entends encore un autre bibliophile crier son admiration devant une gravure où, sur le chaton de la bague qu'un personnage portait au doigt, on discernait un corps de femme. « Eh bien, monsieur, on voyait qu'elle était enceinte !» Je compris, par là, qu'il ne suffisait pas de donner aux bibliophiles des gravures sur bois, mais qu'il les fallait si pousser qu'ils pussent en suivre les plus minces détails à la loupe. Je pensais à Armand Seguin, que je savais capable de pousser à fond un dessin. Et je le chargeai d'illustrer Gaspard de la Nuit, ce petit poème qu'Aloysius Bertrand composa à la manière de Rembrandt et de Callot. Quand le livre fut sorti des presses de l'Imprimerie nationale, qui en avait fait un véritable bijou typographique, un libraire alla le présenter à l'un de ses clients, le prince des bibliophiles, M. Beraldi lui-même. Celui-ci, d'abord, n'eut pas assez de louanges pour le livre. Mais, tout à coup, quel est l'éditeur ? Volard ? L'éditeur de Parallèlement ? De Daphnis et Chloé ? Ah non, ce serait introduire le diable dans ma bibliothèque ! À chaque rebuffade des bibliophiles, je me disais « J'aurai tout de même le dernier mot !» Et je répondais à leur hostilité par l'édition d'un nouveau livre. Pour illustrer les fleurs du mal, je m'étais adressé à Émile Bernard. Ce volume, dans lequel il prodigua les bois, fut imprimé également par l'Imprimerie nationale. L'impression avait été commencée à la fin de juillet 1914. À ce propos, un journal, Ami des Lettres, félicita l'Imprimerie nationale de ne pas avoir, malgré le manque d'ouvriers en raison de la guerre, arrêté un seul jour la presse à bras affectée à mon Baudelaire. Là-dessus, rapporta un autre journal, des parlementaires écrivirent au ministre de la Justice pour avoir un exemplaire de ce livre, qui, à ce qu'ils croyaient, était imprimé aux frais de l'État. Peu après, le Figaro révéla que toutes ces demandes, à l'exception de 3, portaient Baudelaire écrit B-E-A-U. Après les fleurs du mal, Émile Bernard illustra encore pour moi Villon et Les amours de Ronsard. Pour ce dernier livre, il ajouta au bois quelques eaux-fortes. Pour le Villon, il avait trouvé des caractères typographiques qui collaient si bien avec ses dessins qu'on aurait juré que ces caractères, c'était Émile Bernard lui-même qui les avait dessinés. L'artiste ne devait pas avoir la même bonne fortune pour les amours. Ne trouvant rien qui allât avec ses illustrations, il prit le parti de calligraphier, en harmonie avec son dessin, les pages du texte, lesquelles furent gravées ensuite. « Ce n'est pas un livre !» déclarèrent les amateurs. Le petit incident que je vais relater montre à quel point était inflexible le dogmatisme imposé en matière d'édition par les bibliophiles. Rodin, alors dans toute sa notoriété, avait entrepris de faire des lithographies pour illustrer le Jardin des supplices d'Octave Mirbeau. Bien entendu, je ne m'attendais pas à en être l'éditeur. Trop de puissants concurrents allaient évidemment se disputer les admirables compositions de Rodin. Aussi ma surprise égala-t-elle ma joie quand je reçus la visite de Mirbeau qui venait me proposer de publier le livre. Aucun éditeur n'avait voulu des compositions de Rodin. Cette fois encore, ce fut à l'Imprimerie nationale que je songeai, mais sans succès. « Ah non !» s'exclama le garde des Sceaux quand ma demande d'autorisation lui parvint. « Je ne veux pas être embêté comme Moni l'a été avec Parallèlement. » Je pensais alors à faire imprimer le livre chez Didot, à qui je portais en même temps le poème de Mallarmé, « Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. » Quand je revins au rendez-vous fixé, ce fut le directeur lui-même qui me reçut. « Monsieur, me dit-il sans autre préambule, nous n'imprimerons pas le Jardin des supplices. Nous nous considérons dans cette vieille maison comme ayant chargé d'âme, aussi bien à l'égard de nos ouvriers qui sont tous d'honnêtes pères de famille que de nos apprentis qui le deviendront un jour. » C'est ainsi que le livre fut, en définitive, imprimé chez Renoir. Le refus de la maison Didot avait été aussi catégorique en ce qui concerne le coup de dé. « C'est un fou qui a écrit ça !» Ce verdict ne devait pas me faire abandonner la publication de l'œuvre de Mallarmé. Mais avec la tendance fâcheuse que j'ai de tout remettre au lendemain, les années passent. Toutefois, j'ai conservé soigneusement les lithographies qu'exécuta Odilon Redon pour l'illustration de ce livre. Et le moment viendra, j'espère, où le coup de dé paraîtra. Je compte bien qu'il en sera de même d'un autre poème de Mallarmé, Hérodiade, que Vuillard devait illustrer et qui, sans qu'il y eût de ma faute, est resté lui aussi à la traîne. Le poète, en effet, dans son extrême souci de la perfection, ne pouvait se résoudre à publier une œuvre qui ne le satisfit pas pleinement. « C'est un diptyque, je voudrais en faire un triptyque. » Enfin, le jour arriva où il estima que son poème était au point. Voici la lettre qu'il m'écrivit de Valvin. 12 mai 1898. « Je suis heureux de me savoir édité, mon cher, par un marchand de tableaux. Que Vuillard ne quitte point Paris sans vous avoir fait la bonne réponse. Dites-lui pour l'encourager que je suis content du poème rallongé. Pour une fois, c'est vrai. » Sur ces entrefaites, Stéphane Mallarmé mourut. Et quand je réclamai à son gendre, M. Bonniot, la suite d'Hérodiade, « C'est resté informe, m'opposa-t-il, et la mémoire de mon beau-père en souffrirait. » Je n'eus pas le temps d'apaiser les étranges scrupules du docteur Bonniot, car il devait mourir à son tour. Il faudra bien que ses héritiers, à lui, laissent l'œuvre de Mallarmé paraître, selon le vœu du poète. Madame Commanville, nièce de Flaubert, devait manifester un scrupule d'un autre genre. Je désirais éditer la Tentation de Saint-Antoine avec des illustrations de Redon. Or, l'héritière du grand romancier n'oubliait pas que le démon, pour séduire Antoine, faisait apparaître devant lui des femmes nues. Elle redouta, dès lors, que l'illustrateur de l'œuvre de son glorieux parent ne se complût à des scènes trop libres. Aussi, dans le contrat que j'écrivis sous sa dictée, elle stipula que je devrais lui soumettre les compositions de l'artiste. L'illustration de Redon comprend plus de 20 lithographies originales hors texte et une quinzaine de compositions conçues pour la gravure sur bois. Ces compositions, je les avais égarées. J'ai eu la chance de les retrouver et l'ouvrage va pouvoir enfin paraître. En ce qui concerne les lithographies, ajoutons que quelques privilégiés les possédaient déjà. Redon, lors du tirage, s'en était réservé un certain nombre que ses amateurs se disputèrent aussitôt. Après le Jardin des Supplices, j'éditai un autre ouvrage de Mirbeau, son Dingo. Je me rappelle encore l'enthousiasme de l'auteur quand je lui annonçai que Bonnard avait accepté d'illustrer son livre. Un autre livre que j'ai eu la bonne fortune de publier, ce fut « La belle enfant » d'Eugène Montfort. Par le nombre des chapitres de cet ouvrage, on peut juger de la quantité de frontispice, de hors-texte, de cul-de-lampe que l'artiste avait à composer. Cela ne fit pas reculer Dufy, qui me grava une centaine de cuivres et avec quelle conscience. Après, en effet, plusieurs voyages à Marseille, un Marseille en train de disparaître, étant sur le point de faire une des dernières planches qui représente le célèbre Salon d'Aline, l'artiste eut un scrupule. Il lui sembla que son dessin n'en rendait pas l'atmosphère. Cette atmosphère, il avait essayé de la retrouver à Paris, dans des maisons de même ordre. Mais il n'y parvenait pas. C'est alors qu'il se décida à prendre de nouveau le chemin de Marseille. Et, cette fois, il en revint tout à fait en mesure de rendre, à sa satisfaction, le salon si renommé. Quand j'entrepris de faire illustrer par la Prade « Fête galante » de Verlaine, on me dit de différents côtés « Comment, vous allez présenter en un in quarto raisin un ouvrage dont le texte est si court ? Ça fera une bien mince plaquette. » La remarque eût été fondée si des médaillons couvrant presque toute la page en tête de chaque poème et si d'abondantes illustrations hors texte n'avaient permis d'étoffer suffisamment l'ouvrage. Un autre écueil était à éviter. Le texte, sous les médaillons, ainsi réduit à 3 ou 4 vers seulement, n'allait-il point paraître comme écrasé? Il n'en fut rien, tant les compositions de la Prade ont de légèreté et de grâce. En même temps que le poème de Verlaine, je faisais paraître l'Odyssée d'Homère, avec des bois d'Émile Bernard. Celui-ci venait d'illustrer pour moi les Fioretti, des planches en noir, comme dans les livres qu'il avait précédemment illustrés. Pour l'Odyssée, il avait voulu des bois en couleur, mais il ne fut content d'aucun des essais auxquels il se livra. Et si nous renoncions, me dit l'artiste, au bois en couleur, je rehausserai à la sépia chacune des épreuves vautrées. Ne tirez le livre qu'à 150 exemplaires. Mais avec les 50 et quelques planches que vous avez entreprises, en somme, cela ne fera guère plus de 8000 épreuves à reprendre. Et il fit comme il disait. Il est une partie peu connue, mais combien importante, dans l'œuvre de Degas, les scènes de maison close. Renoir, à ce propos, me disait « Lorsqu'on touche à de pareils sujets, c'est souvent pornographique, mais toujours d'une tristesse désespérante. Il fallait être Degas pour donner à la fête de la patronne un air de réjouissance en même temps que la grandeur d'un bas-relief égyptien. » Tous ces petits plats du jour, comme Degas les appelait lui-même, il les exécutait à l'encre grasse sur une plaque de cuivre. Une fois le cuivre mis sous la presse, la planche n'étant pas mordue, il n'obtenait qu'une seule bonne épreuve. C'était généralement après dîner, chez l'imprimeur Cadard, que Degas exécutait ses monotypes qu'il rehaussait quelquefois de pastel. Quand on prépara la vente de l'atelier du peintre, son frère René, dans un sentiment de piété pour la mémoire de l'artiste, détruisait environ 70 de ses petits chefs-d'œuvre qui eussent attesté, avec quel éclat, tout ce que Toulouse-Lautrec doit à son vieux maître. Les scènes de maison qui ne firent pas partie de cet holocauste, j'eus la chance d'obtenir de leur possesseur qu'il les laissa se sortir des cartons dans lesquels il les gardait jalousement enfermés. Ainsi je pus illustrer la maison Tellier de Maupassant et les mimes des courtisanes de Lucien que Pierre-Louis traduisit avec tant de bonheur. En lisant les mimes des courtisanes, on est frappé de voir combien les petites femmes sont de tous les temps. Pierre-Louis ne disait-il pas lui-même des dialogues de Lucien qu'on croirait parfois entendre parler des midinettes d'aujourd'hui? Pour reproduire toutes ces compositions de Degas, il me fallait trouver un artiste capable de pénétrer la sensibilité de dessin, la subtilité d'un ton de Degas. Je m'adressai au peintre-graveur Maurice Potin, qui fit merveille. Il n'épargna ni le temps ni la peine. Pour rendre tel monotype, même en noir, il fut nécessaire de graver jusqu'à 3 cuivres. On eût dit que les compositions de Degas avaient été faites pour illustrer la maison Tellier. Mais pouvait-il en être de même pour les mimes des courtisanes? Selon l'habitude des femmes de maison, celles de Degas ont, pour tout costume, leurs bas. Des bas. Les dames de l'Antiquité classique en portaient-elles? N'allais-je pas me rendre coupable d'anachronisme? Je m'en ouvris à un chargé de cours de littérature grecque. Celui-ci me conduisit chez un vieil archéologue en qui je crus reconnaître M. Salomon Reynac. Je lui fis part de mes perplexités. Le savant réfléchit quelques instants, puis « Degas doit avoir raison. Comme il arrive souvent, les artistes ont des intuitions qui leur révèlent ce qui reste mystère pour les doctes. J'incline à croire, pour ma part, que les courtisanes grecques portaient des bas. Car enfin, sans bas, où auraient-elles garé leur pèse ? » L'argument me parut péremptoire. Sur le moment, je ne m'étonnais pas qu'un membre de l'Institut pût être si au courant des coutumes de ces dames. Mais j'avoue éprouver maintenant quelques doutes sur l'identité de mon interlocuteur. On peut difficilement se faire une idée des émotions par lesquelles je passais pendant que l'on procédait à la reproduction des monotypes de Degas. Je n'en possédais personnellement que quelques-uns. La plupart des autres, notamment la fameuse fête de la patronne, étaient la propriété d'un éditeur d'art, M. Eckstins, qui avait bien voulu me confier ces Degas sous la réserve que je les lui rapportasse s'il en avait besoin. C'est ainsi, toujours sur le qui-vive, que je m'engageais dans une telle entreprise. Au bout de 3 ans, alors que tout était en train, M. Eckstins me fit savoir qu'un représentant d'un musée américain désirait voir ces Degas. Je les lui rapportai donc, inquiet comme on peut se l'imaginer, car le travail de reproduction ne pouvait s'achever si on ne disposait plus des originaux. Mais les dieux m'étaient propices. Plus amateur que marchand, M. Eckstins ne put se résigner à les vendre. Et il me les laissa pendant les 3 années qui me furent encore nécessaires pour aboutir. Mais qu'est-ce que 6 années, comparées au temps qu'il fallut à K.X. Roussel pour ses études préparatoires à l'illustration de la Bacchante et du Centaure de Maurice de Guérin? C'est vers 1910 que j'avais demandé au peintre d'interpréter ces 2 petits chefs-d'œuvre. Depuis, bien souvent, il m'avait dit « Vous savez, j'y travaille. » Mais je dois avouer que je n'y comptais plus quand, un jour, il me montra toute une pile de dessins. « Voilà, je n'ai plus qu'à porter sur pierre maintenant. » Et dès qu'il eut commencé de se pencher sur ses pierres lithographiques, il ne les quitta plus. Quelle que soit l'enivrante frénésie de couleurs qui est la caractéristique du talent de Roussel, des planches en noir lui ont paru s'imposer pour la Bacchante et le Centaure. Les poèmes du mystique Francis Thompson, traduits pour moi par Madame Maurice Denis, devaient inspirer à Maurice Denis d'admirables compositions en couleurs. Pour Normandie, de M. Édouard Herriot, Raoul Dufy, sur ma demande, prépare de son côté des lithos en couleurs. Une de mes plus tenaces ambitions d'éditeur avait été de publier les fables de La Fontaine, dignement illustrées. Tout enfant, j'avais commencé par détester La Fontaine. Ma tante Noémie, qui me donnait comme pensum des fables à copier, m'en avait dégoûté. Plus tard, mains vers du poète me revinrent à la mémoire et j'en découvris peu à peu le charme. Devenu éditeur, je me promis de publier un La Fontaine. C'est au peintre russe Marc Chagall que je demandai l'illustration du livre. On ne comprit pas ce choix d'un peintre russe pour interpréter le plus français de nos poètes. Or, c'est précisément en raison des sources orientales du fabuliste que j'avais songé à un artiste à qui ses origines et sa culture rendaient familier ce prestigieux Orient. Mes espérances ne furent pas déçues. Chagall fit une centaine de gouaches éblouissantes. Mais, quand il fallut les transporter sur le cuivre, des difficultés techniques si nombreuses surgirent que l'artiste dut y substituer des eaux-fortes en noir. C'est aussi Chagall que j'avais chargé d'illustrer les âmes mortes de Gogol, ouvrage pour lequel il exécuta également une centaine d'eaux-fortes en hors-texte et un grand nombre de frontispices, culs de lampe et ornements de toutes sortes. Chagall a su rendre, avec quelle vérité, cet aspect un peu Louis-Philippard qui caractérise la Russie de l'époque de Gogol. Ses travaux considérables n'avaient nullement épuisé la veine de l'artiste. Elle devait se manifester toujours aussi riche pour l'illustration que je lui demandais de faire de la Bible. Comme une dame, devant moi, se plaignait du prix élevé des beaux livres, « Mais madame, quand vous achetez un bijou ?» Et elle, vivement, « Oh, on ne peut se parer d'un livre comme d'un bijou !» Mayol, qui a illustré pour moi les Folastries de Ronsard, devait démentir cette assertion féminine. « Je vois, pour les Folastries, me dit-il, un petit livre qu'on peut mettre dans sa poche. » Des livres, par contre, qu'on ne pourra pas mettre dans sa poche, c'est Miserere et Guerre, deux in plano auxquels Rouault travaille depuis plus de 10 ans. En voyant les dimensions des réincarnations du Père Ubu, illustrées également par Rouault, les bibliophiles crièrent « Hélas ! De quel hola n'accueillera-t-on pas la Miserere et Guerre ?» qui mesure 650 mm de haut sur 500 de large? Je n'étais pas sans appréhension à ce sujet. Après tout, me dis-je, les bibliophiles n'auront qu'à placer leurs rouleaux sur des pupitres d'antiphonaires. Miserere et Guerre comporteront plus de 50 planches. Un matin, je rencontrai Rouault avec tout un bagage de lime, de grattoirs, de burins, de papier meuri. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout cela? Bah, c'est pour vos sacrées planches. Des eaux fortes? De l'aquatinte? Appelez ça comme vous voudrez. On me donne un cuivre, je fonce dedans. De tous les ouvrages que j'ai édités, celui qui intrigua le plus les bibliophiles quand il fut annoncé, ce fut le chef-d'œuvre inconnu de Balzac, avec des eaux-fortes originales et des bois de Picasso, ou des réalisations cubistes voisines avec des dessins qui font penser à Ingres. Mais chaque nouvelle œuvre de Picasso scandalise, jusqu'au jour où l'admiration succède à l'étonnement. D'autres livres sont en préparation. La Théogonie d'Hésiode, avec des eaux-fortes de Braque, Cirque et Passion, de Suarez, illustré par Rouault, Cirque de l'étoile filante, texte et illustration de Rouault, l'histoire naturelle de Buffon, avec des eaux-fortes originales de Picasso. Enfin, les Géorgiques, avec des eaux-fortes de Segonzac, dont les premiers essais montrent déjà avec quelle émouvante justesse d'expression l'artiste s'inspire de l'aspect si virgilien de la campagne de Saint-Tropez. Et comme je devais avoir toutes les chances, Derain, pour les contes de La Fontaine, m'a fait une série d'admirables lithographies. Toujours sur ma demande, Derain a bien voulu entreprendre d'illustrer le Satyricon, cette fois avec des cuivres qu'il attaque directement au burin.